Moi, en tout cas, j'ai une obsession. Je pense que toi aussi, sur les chips. Oui, ça, c'est... Mais là... Mais t'en as donc bien. Oui, mais là, je n'ai acheté comme des trucs, tu sais, ceux qu'on n'essaie jamais, là, comme... Ou qu'on voit toujours, mais qu'on n'achète jamais. Ça, mon Dieu, que je comprends... Ben, voyons, tu vois, bacon alors, à l'érable. Oui, maple bacon, bacon à l'érable. Alors, c'est... Avec des crêpes. Oui. Mon Dieu, le dessin, c'est... Le dessin, c'est des crêpes. C'est comme du French toast, des pancakes avec du beurre, du bacon. Fait que ça, ça goûte des chips. Qu'est-ce qui a l'idée de faire ça? C'est Martin Picard. Non, je sais pas, c'est pas... Mais non, il aurait jamais fait ça. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Aujourd'hui, les lourdes gouttes de pluie rebondissent sur les trottoirs brûlants et giguent sur les bras des chaises adirondacks. Elles font teinter la vieille table métallique du jardin. Si cet après-midi, l'orage a gâché les photos de quelques mariages, il a permis à plusieurs de goûter le farniente. Tout trempé, Marc rentre du Chinatown avec des sacs pleins à craquer. Il a dévalisé tous les marchands de chips du quartier. Il prépare une dégustation surprise pour la belle Anne. Puis? J'aime beaucoup la texture. Ben, c'est ça. T'es bien de commencer par celui-là, quand même. Parce qu'il est sucré. Parce que... Moi, j'aurais enlevé le sirop d'érable. Moi, je vais le laisser. Il y a un petit goût de sirop d'érable, quand même. Ah ben, je goûte le bacon. Je sens juste ça, le gros sucre. Bon, ici, j'ai acheté des... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit en asiatique. Oui, c'est un curry potato. Curry potato? Ouais, ah non, c'est indien, alors. Oui, c'est probablement indien. C'est des chips, mais pourquoi c'est des... Hein? C'est écriture japonaise, Non, dirait. Parce que pour faire, je sais pas, pour que ça vende bien, je sais curry pas. Curry flavored. Oui, c'est vraiment curry. Mais ça, déjà, curry. C'est moins pire qu'à l'érable, me semble. Ah oui, j'aime bien le curry, moi. Moi aussi, j'aime ça, le curry. C'est excellent pour la santé, hein, le docteur Bilvaux l'a dit, le curry, que je pense pas que celui-là, ce soit... Oui, ça sent le... Oui, ça sent le poulet tandoori. Ça sent le mets, le petit, poulet au beurre de mets indien. Fait que, moi, j'aime... Pas sûr que j'aime ça, moi. Non. On va en essayer un autre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des chips aux jetons de crabe. Arc! C'est... Oh non, pas avec du gros fruit de mer, mais voyons! Ben oui. Oh non! Ben, tu peux juste prendre une whiff. Arc! Oh non! Hey, voyons donc! Ben, c'est pas si pire. Veux-tu goûter? Oh non. Non, celui-là, je le goûte. Non, ça me dégoûte. C'est même pas des vrais chips. On dirait que c'est des fritos. En fait, ils sont meilleurs avant le 11 juin. Arc! Ah, t'es fort de manger ça. Oh. Ah, ça a l'air dégueulasse. Non, mais il n'y a rien de pire que des mélanges de chips et de fruits de mer. Voyons, pour qui nous prenez-vous? T'as-tu un crachoir chez toi? Oh non, mais moi, non. Non, regarde, j'ai un verre ici. Veux-tu, mais il est transparent. Je vais tout voir ce que t'as craché. Non, c'est beau. Ah, non, j'ai fini par l'avaler. Tu l'as avalé? Non, non, je me suis dit, c'est comme une vitamine. Mon Dieu. Il y en a beaucoup à essayer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est comme un fromage? J'avais vraiment rien à faire cette journée-là. Ça, c'est des croustilles à saveur de homard, mais Arc! Ça. Saveur de poivre noir. Oh, ouvre-le même pas. Ben non. Oui. Mais là, écoute, faut m'ouvrir. Ah non, j'en veux pas. Anne, non, Marc, j'en prends. J'aime mieux manger 14 pavés de foie de veau que de manger ça. On les ressortira à Noël. Non. Il y a les fameux wasabi. Oh, ça, on va se brûler la gueule. Ah non, c'est des chips au wasabi. Oui, ça risque d'être très fort, mais toi, ils sont pas fous, ils calculent leur affaire. Mais non, on va juste le sentir. On n'est pas obligé de manger ça. Non, on n'est pas obligé de toutes les manger. Non, je pense que des fois... Ben, quoi que. Ben, je vais y goûter, moi. Ouais. Je suis curieuse. Non, mais y a-tu beaucoup de wasabi? Hey, boy. Sur la photo, en tout cas, il coupe un rouleau de wasabi en tranches. Oui, exactement. Oh non! Oui? Oh non! Quoi? Oh non, wasabi! Hey, boy! Oh! Ah! Ah, ouais. Ah, c'est très fort! Ah, ouais. Ah, c'est très fort! Ah, mon Dieu! Ah, ouais. Ah, c'est comme ça si. Si tu prends une douche? Ça me prendrait un lavage nasal. Ah, ouais, hein? Hé, hey, là, je me sens comme un... Oh, boy, c'est fort, attends. Là! Non, je sais. Non, mais... C'est mauvais, hein? Ça goûte la marde. Hé, hey, ça sent la marde, puis ça goûte la marde. Donne-moi ta bouche. Voyons, n'aie pas peur de moi. Voyons, n'aie pas peur. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'embrasser. Écoute-moi bien, donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi. Tu n'as pas de cœur, va pas tout gâcher pour un seul baiser. Écoute, je vais t'expliquer mon amour, ce qui s'est passé l'autre jour, sans aucun détour. Tu ne écouter ce qu'on raconte pour te blesser, mon amour. Je t'aimerai toujours. Donne-moi ta bouche. Voyons, n'aie pas peur de moi. Voyons, n'aie pas peur. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'embrasser. La la la la la la la la. Tu ne devrais pas écouter ce qu'on raconte pour te blesser, mon amour. Je t'aimerai toujours. Donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi. Tu n'as pas de cœur, va pas tout gâcher pour un seul baiser. Un seul baiser, non, pour un seul baiser. On n'est pas timé, je sais. J'ai dit, je vais faire comme lui. Puis tu t'es dit, je vais faire comme elle, on l'a inversé. Voyons, maudit paquet de nerfs, on va-tu la fermer, notre grand gueule? Aïe! Récemment, Anne est tombée sur un vieux numéro du magazine GQ. Dans un article de 2014, Frank Bourassa, un gars de Trois-Rivières, raconte comment il a réussi à imprimer une quantité incroyable de faux billets américains. Question de rompre avec la grisaille d'aujourd'hui, elle a invité ce personnage coloré à prendre l'apéro avec Marc. Toi, t'es un faussaire professionnel. T'as beaucoup de talent là-dedans. Ouais, j'avais pas du talent dans ça particulièrement. J'ai du talent dans... peu importe dans... quoi je vais m'investir, puis là, c'est celui-là que j'ai choisi. Là, parce mais t'as choisi, quand est-ce que tu choisis ça? Quand t'es adolescent, quand t'es enfant, tu rêvais de déjouer le système, puis d'être un... Ouais, ça, cette partie-là, je dirais, ouais, c'est dans moi, ça, c'est certain. Là, le risque, on dirait... Tu te retrouvais comme dans un film de un thriller. Mais pas juste ça, j'ai tout le temps été comme ça depuis que je suis petit. On dirait, c'est qu'est-ce qui peut me tuer, qui me fait me sentir en vie, on dirait, je sais pas, c'est bizarre. C'est fait que ça prend un élément de risque tout le temps depuis que je suis tout le temps petit. Donc toi, adolescent, t'as commencé par voler des chars, c'est tout ça que j'ai compris? Mais pas moi, là, mais j'avais... T'étais dans une gang? J'avais un réseau, je suis bon à faire fonctionner les choses. À organiser, ouais, à mettre une structure. Ça, je suis bon dans ça, là. Ouais, où ça marche pas, qu'est-ce que ça prendrait pour que ça marche. Fait que là, il y avait des liens des personnes qui en voulaient, puis là, tu connaissais du monde qui allait en voler. Fait que là, je faisais les liens comme ça, fait que c'était... Puis là, tu prenais une cote là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc là, quand j'étais plus jeune, on a commencé comme ça. Quand t'étais plus jeune, c'est quoi? T'avais quel âge? Bah, dans ce temps-là, au début, là, avant les autocomplètes, tu sais, j'ai fait les pièces. Mettons, j'étais plus petit, je devais avoir. On commence toujours avec des pièces. Ouais, ben, on commence toujours avec des pièces, c'est ça. C'est évidemment. Ouais, ils avaient peut-être, pas 14 ans, mettons, quelque chose comme ça, là. OK. Puis après? Ben, là, après ça, j'ai parti des compagnies légales. J'ai eu, jeune, à 21 ans, j'avais une station-service avec mécanique. Puis là, je travaillais des autos, puis j'aimais bien ça dans ce temps-là. Là, j'ai été plongé dans le monde des autos par... les pièces. Le racket, justement, de ça. Puis ça, tu t'étais jamais fait prendre quand tu étais jeune, non. Adolescent, non, jamais? Non. Bon, là, tu t'es tanné à un moment donné parce que quoi, c'était pas assez payant, puis pas assez excitant. Non, ouais, mais c'était correct, c'est ça, mais la partie excitante, là, taper sur un bon clou, là, puis là, j'ai voulu... taper sur le clou, moi. Ouais, j'ai voulu prendre l'expansion, puis là, j'ai tombé à des embûches avec des affaires que j'ai pas aimées, comme la ville, puis les permis, puis ces affaires et ça, puis ça s'enfarge dans les fleurs du tapis, ce monde-là, puis ça, j'ai pas aimé ça, parce que, tu sais, normalement, moi, je règle les problèmes. Moi, je trouve les solutions. Moi, je fais avancer. C'est dans ça, je suis bon. T'sais. Tu faisais les permis pour ton garage, faire fonctionner. Ouais, ouais. Puis là, tu sais, le zonage, puis c'est toute une affaire. Les autres, ça te tapait. Plus fini, puis ça, ça me. Ah oui, c'est une perte de temps, là. Puis c'est fatigant. Exactement. Pour ça, ça va partir. C'est une bureaucratie de merde. C'est ça que ben oui. C'est ça. Hey. Je m'étais tellement abattu que je me suis brûlé. Ah oui. Oui, à un moment donné, je me suis ramassé, pouf, à l'hôpital. Oh. Brûlé. Ah oui? Puis là, c'est là que ça a cliqué. Je me dis, OK, ça veut dire que travailler légal avec toutes les embûches des fleurs du tapis, c'est à ça que ça mène. Un burn-out. Vrai burn-out. Puis, j'avais des chiffres de plein d'affaires. Là. Mon B12 puis mes vitamines, des affaires que c'était à zéro. Puis, ça prend 300, mais chez zéro. Avec là, des poches de scie puis des... Brûler. Puis c'est à ce moment-là, durant ton burn-out, que là, t'as dit, je vais fabriquer de l'argent. Là, je me dis, plus jamais. Oui, plus jamais, je vais faire. C'est à ça que ça mène, le job légal. C'est à ça que ça mène, plus jamais. Puis t'as eu cette idée-là, tu t'es dit, je vais faire de l'argent. Je vais imprimer des faux billets. C'est à ça qu'il faut finir. Tout le monde, on se lève le matin, c'est tout le temps pour la même chose. C'est pour ça finir à l'argent. Fait que là, j'ai osé faire, va sauter 15 étapes qui ont fait que. Et ça a été complètement néfaste pour moi, puis jamais ça m'arrivera, puis tiens. T'as dit, regarde, je vais y aller plus court, puis je vais fabriquer l'argent. Ouais, c'est ça. Ça va être ça, puis tant qu'à faire, je vais faire de l'argent américain. Ben oui. Ouais, parce que comme j'ai voyagé quand même pas mal, tu sais, l'argent américain, on sait que ça passe partout sur la planète. Ouais. Mais là, comment tu commences ça? J'ai commencé par, tu sais, c'est quoi les systèmes de sécurité qu'ils mettent sur un billet exactement? Ben là, fait que j'ai commencé par aller sur Internet, puis là, j'ai tombé vite sur les sites du gouvernement qui expliquent que les billets sont ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé par les sites fédéraux américains, puis... C'est comme s'ils t'avaient donné la recette, carrément. Ben, ils donnent pas la recette tant que ça, mais ils m'ont donné... J'ai parti de 0-0 à peut-être une demi-heure après. Là, je savais, il y a une strip en UV, là. Puis là, après ça, il y a un angle spécial, là. Fait que, tu sais, une heure plus tard, j'en savais plus que j'en savais, là. T'as pas le droit à l'erreur beaucoup, là. Non. Si t'es faussaire, il faut... Tu sais, puis que tu connais personne aux États-Unis qui travaille dans ces lieux où on fabrique de l'argent... Il faut que tu aies le bon papier à bonne place. Il faut que tu trouves un fournisseur. L'encre, c'est pareil. Il peut y avoir des nuances dans la couleur aussi. Puis si tu te fais pogner, c'est très, très dangereux, là, quand même. Moi, je me dis, tu sais, les sententes sont tellement fortes dans ça, puis il n'y a tellement pas de farce à faire avec ça. Non, mais tu sais, les Américains, il faut pas trop les niaiser quand même, là. Faut que ça soit ou parfait ou rien pantoute. Fait que là, entre le moment où tu as pris la décision de fabriquer de l'argent, puis ton premier bien imprimé, ça a pris combien de temps? Oui. J'ai commencé les recherches en 2007 pour regarder, grosso modo, tu sais, c'est quelque chose qui est faisable ou pas, puis j'ai commencé à imprimer en 2011. OK, fait que c'est quand même 4 ans de recherche. Puis là, tu as commencé... Là, tu avais une imprimante dans ton garage... C'est tout dans ton garage? Non. Tu l'as fait venir, l'imprimeur. J'ai acheté des presses. Les presses? Ben oui, j'ai pas le choix. Mais c'est des presses à billets de banque? C'est des presses particulières? Non, il y avait... des presses à journaux? Le vrai procédé pour les imprimer, c'est l'intaglio. L'intaglio qui sont un procédé différent des presses offset qui sont surtout utilisés beaucoup pour utiliser les journaux puis les revues puis ces genres de choses-là. Mais les presses intaglio, c'est pas que ça se trouve pas, mais c'est qu'après ça, ça prend quelqu'un pour te le montrer. Puis, parce que, tu sais, tu peux pas dire aux voisins. Ben, tu sais. Viens me montrer comment ils ont fait ça pour printer ça. Fait que là, ça mais reste... même pour la commander, cette imprimante-là, ils demandent pas. Je disais, faut que tu prouves ce que tu fais dans la vie. Ils peuvent bien. Ils vont se douter que. Non, absolument pas. La plupart pensent ça, puis c'est vraiment drôle parce qu'une presse, n'importe qui peut acheter une presse, puis c'est vraiment pas dur à voir, là. Le plus facile de l'opération, c'est cette partie-là. C'est pas illégal d'acheter une presse. Fait que là, je suis allé avec la presse offset, puis là, après ça, je m'ai trouvé quelqu'un que j'avais connu quelques années auparavant. Puis lui, il avait une imprimerie ici à Montréal. Fait que là, j'ai fait des voyages à Montréal. Mais en lui disant quoi? En lui disant que là, je me partais à une petite imprimerie là, par chez nous, puis que j'avais quelqu'un qui avait une plus grosse imprimerie, puis il était pour me donner des sous-contrats de tout ça. Puis, fait que, tu sais, c'était comme facile. Lui, il savait pas ce que t'imprimais. Ben non, il savait pas. Non, mais personne pouvait le savoir. Ben non, personne, tu peux pas. Ben non. Oui, mais quand vient le temps de chercher ta couleur d'encre, ça me prend la couleur des 20 $ américains. Ouais, mais rendu là, c'est moi. Fait que là, pour s'y rendre, ben là, tu sais, il a fallu que j'apprenne tous les softwares graphiques que ça prend pour ça, puis la presse, puis les couleurs, puis acheter les équipements que ça prenait, puis, tu sais, comme mettons les couleurs, il y a des détecteurs électroniques qui détectent ça, puis là, tu as des données numériques, pour savoir, tu matches tout, tu matches pas. Puis l'essentiel de ce que tu apprenais, c'est quand même sur Internet, là. En gros, là... La recherche, oui. Tu savais vers où centrer tes recherches une fois que tu avais fait un premier débroussaillage sur Internet, tu disais, OK, prochaine étape, faut que j'apprenne la couleur, prochaine étape, faut que j'apprenne à reproduire la texture du papier. Là, après ça, il va falloir que tu achètes le bon papier. Lui, je vais le faire parce que ça s'achète pas, parce que c'est tricky pas mal le papier. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive avec le papier? Ouais, comment? Tu l'as fait faire. Oui, de bonne choix. Il faut que tu connaisses la recette de ce papier-là. C'est ça qui était long, là. C'est le papier. C'est, ça se passe tout dans le papier le plus dur parce que toutes les éléments de sécurité sont toutes là. Puis il y a plein d'affaires, là. Tu sais, comme, mettons, ils vont mettre du coton puis du linen, mettons, dans le papier. Le seul papier qui a cette combinaison-là, c'est du papier argent. Fait que, tu sais, ça allume des sonnettes, là. Fait que faut que tu fasses une approche d'une histoire qui va sembler assez plausible pour que l'autre, il va dire « Oh oui, je peux te le faire, mais je m'y verra pas. » Excuse-moi, mais t'as dû soudoyer à un moment donné. T'as dû acheter ce monde-là. Ben non, tu peux pas. Non, mais dis, regarde, je fais un deal avec toi. Oui, je fais quelque chose de... Ben, tu sais, je veux acheter ton silence, dans le fond. Ben, non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire confiance à personne. Ben non, tu connais pas. Ben oui. Tu connais pas. Non, mais... Fait que faut que ça prend un... Le gros, le plus compliqué, c'est l'amener. Ça prend une histoire d'amener une situation qui fait du sens à tout le monde. Oui, OK. Puis que... Fait que là, j'ai créé des compagnies, puis des compagnies, puis des compagnies. Puis plus qu'on se rapprochait, mais plus que je faisais ça officiel avec les sites web, les bio, puis toutes les affaires, puis là, des téléphones qui répondaient avec ça. Bien, on sait pas s'ils vont en plus, il faut que ça aille de l'air legit. Mais là, t'étais sûr de ton coup. Hey, écoute, c'est pas ordinaire, là, travailler aussi minutieusement sur un projet que t'es même pas pas être convaincu que ça va aboutir quelque part ou que tu te feras pas arrêter avant, là. Non. Puis c'est beaucoup d'investissement aussi. Alors, tu travailles pas, t'as aucun revenu pendant ce temps-là. Non, comment non, ben, j'avais, tu sais, C'est des sous que t'avais mis de côté avec tes autres compagnies. C'est ça, t'en avais assez pour vivre pendant 4 ans puis investir. Ouais, j'étais correct pour ça. Ouais. Puis, fait que, ben, c'est pour ça. Dans ma tête à moi, là, il faut que ça soit parfait parce que c'était pour coûter cher. Si c'est pour passer, il faut que ça soit parfait. Pour que ça soit parfait, ça va coûter cher. Fait qu'il a fallu que je trouve un moulin. J'ai trouvé un moulin à papier qui a fait ma recette à moi de papier. Mais là, je l'ai pris en Allemagne parce que, tu sais, j'allais selon. Tu sais, je suis bon dans ça, là. Puis là, tu peux pas parler par téléphone parce que si t'es enregistré, ta voix, c'est bien fort en cours. Fait que là, je peux pas parler avec personne, c'est juste par email. Fait que là, faut que tu gages selon la réponse, le temps, les phrases que je mettais, ça a-tu de l'air bon, ça a-tu de l'air, c'est-tu douteux? Fait que c'est juste ça que t'as pour, tu sais, te fier, là. Puis t'en as parlé à personne. Non, tu peux pas. Personne dans ta famille, dans ton entourage, personne n'était au courant. Ma blonde ne savait pas. Ah non, c'est ça. Mais il se demandait pas ce que tu faisais pendant ces 4 années-là, à pas avoir de job. Tu fermes ta compagnie, mais il faut bien que... Il voyait bien que tu étais occupé aussi. Oui, mon monde alentour, j'ai... tu sais, ma vie, à moi, est différente de la vie de, tu sais, de les votes. Tu sais, moi, je m'en vais, il y a personne qui me demande où je m'en vais, puis quand je m'en reviens, personne qui me demande où j'étais, tu sais. Ah non, ben, c'est comme ça, nous autres, tu sais, où t'étais, tu sais... OK. J'étais parti, je travaillais, là, je faisais quelque chose. Ça demande pas, parce que moi, ma vie, c'est comme ça, puis, tu sais, elle savait, puis t'es comme ça. Mais ce que j'allais faire, ce que je faisais, jamais je l'ai mis au courant, fait que... OK. Puis là, toi, fait que là, à cette étape-là, t'as pas encore rien imprimé, là. À l'étape de l'Allemagne, là, t'as ton papier, t'as tout ce qu'il faut. Faire, c'est ça. T'es en train de le faire faire. Ouais, okay. Là, je vais faire faire. Là, tu fais imprimer des billets américains. Non, là, après là, ça, j'amène le papier ici. T'amènes le papier ici. Là, faut que je le fasse passer aux douanes. Okay. Ouais. Ah ouais. Ben, t'as pas le choix. Ben oui, puis là... Pas de problème aux douanes. Ouais, mais c'est ça, t'as des manières de faire, là, par des manières de passer, puis que ça se rentre, puis c'est correct. Là, OK. Papier caché dans des containers. C'est sûr que rendu là, on va aller le chercher, qui est le pire du pire, parce que jusqu'à là, j'ai aucun contact physique avec personne. J'étais juste par Internet. Okay. À partir du temps que le stock est rendu sur le quai à Montréal, il y a quelqu'un physiquement, il faut qu'il aille le chercher. Là, c'est là le plus risqué de tout. Là s'ils surveillent, il y a quelqu'un qui va y aller physiquement, puis là, ils peuvent savoir, puis ils peuvent suivre. Fait que là, c'était toute une histoire de faire une route sécuritaire, puis avec... J'avais organisé des chars qui suivaient en arrière, puis... Mais donc, t'avais des complices, il y avait des chars qui suivaient en arrière. J'avais des employés, ça, j'en avais. Qui étaient au courant de tout ça, puis qui étaient prêts à prendre leur... Non, ben... Qu'est-ce que tu leur disais à tes employés? Je fais des cartes de Noël? C'est dur à comprendre, maintenant, pour le monde normal, là, mais... Et il faut que chacun des employés, il faut qu'il soit au courant du minimum de qu'est-ce qu'il y a à être au courant. Les vraies affaires, parce que, tu sais, s'il fait quelque chose qui est risque, il faut qu'il le sache. OK. Ça te tente-tu de le faire? Mettons, ça va donner temps pour la job. OK. Fait que ça te tente, bien là, qu'est-ce que c'est? Quoi ça sert? Où ça s'en va? Il sait pas, puis il a pas le savoir. Fait que ça partit à lui, elle arrête là. Fait que ça fait son affaire, bon, mais d'autre façon, l'autre chauffeur que lui, qui est engagé pour, mettons, bloquer le trafic, celui qui a bloqué le trafic. D'un coup, qu'il y avait, pendant 20 minutes, d'un coup, qu'il y avait des chars qui suivaient. Fait que lui, c'est. Bon, mais. Tu penses vraiment à tout, hein? Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis encore là, tu gambles parce qu'il faut que tu mettes. Il reste les hélicoptères. Ah oui, il y a ça. On a pas, il pense jamais à ça. Ah non, ben ouais. Les hélicoptères, oui. Fait que là, ouais, même si tu réussis à l'emmener physiquement, tu barres la route pendant 20 minutes, qu'il se sauve. S'il y a un hélicoptère, là, tu l'amènes sur un terrain. Je l'ai amené sur un terrain plus loin, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Montréal. Après ça, là, j'ai engagé quelqu'un. Tes gars, ils ont bien la puce à l'oreille quand mais tu leur dis ça me prend ça, puis je veux que vous surveillez ça pour être sûr. Ben, ils savent que c'est quelque chose d'illégal, de complètement illégal. Mais qu'est-ce que c'est? Ils savent pas. À quel moment, là, t'imprimes ton premier billet? Moi, je suis bien... comment ça se passe, ça? Bien là, quand on part du quai à Montréal, puis là, on l'amène physiquement chez... le papier. À l'imprimerie que j'ai fait faire. Oui. Là, on le rentre là. Quand on rentre là, là, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que, Bien là, je sais que... Tu sais, je peux plus me faire arrêter, là. Là, je sais qu'au minimum, tu sais, au minimum, je suis riche, là. Puis à partir de là, ben là j'imprime. Puis là, on imprimait toutes les nuits pendant 5 mois. Pendant 5 mois, combien t'as imprimé? 250 millions. 200? Ouais. C'est toutes des coupures de 20 $ ou il y en a de 100? Oui, ouais, puis je suis allé avec le 20 parce que tu sais, c'est commun, pas personne qui prend de l'attention. Un 100 piastres, tu sais, c'est plus... c'était plus donc facile. C'était juste des 20? Oui, c'est ça. J'ai tout imprimé. Ouais. Sans en avoir d'un, parce que si t'en vends, puis là, à partir du temps que tu sors, tu peux te faire pogner n'importe quand. Moi, je me disais, il faut que j'y aille fort, parce que si je me fais pogner de bonne heure ou tard, je vais avoir soit un paquet de fausses ou soit un paquet de vrais pour jouer avec, tu sais, pour je vais être capable de travailler un peu avec ça, là, que je pense. Là. OK, puis là, ton argent imprimé avec toi, t'as tout ça en petites coupures, c'est tout découpé, tu fais quoi avec ça? Tu le places-tu quelque part? Mais là, que j'ai fait à ce moment-là, parce que là... qu'est-ce qui m'importait gros, là? Ça a l'air extrêmement faux, ce que je vais dire, mais c'est ça quand même, là. J'ai dealé beaucoup avec les Américains dans ma vie, puis probablement sûr que vous êtes allés vous autres aussi beaucoup. Le peuple américain, là, c'est un peuple extrêmement gentil, ce monde-là, là, sincèrement. C'est ça que je pense d'eux autres. Les autorités américaines, c'est une autre histoire, mais le peuple, en plus, ils se font taper dessus depuis toujours, puis c'est pas drôle, la situation. Fait que, j'étais pas capable de monter un setup et dire « Je vais déferler 250 millions sur le peuple américain. » Le magasin qui a reçu l'argent, s'il y a quelque chose que ça passe pas, c'est lui qui absorbe de la perte directement. C'est impossible que j'étais capable de faire ça. C'est impossible. Ça se peut pas. Parce que tu avais quand même une conscience sociale. Je peux pas faire du tort à du monde. À des petits. Je suis pas capable. Ça, je suis pas capable. Le gouvernement américain, c'est pas que j'avais une vengeance. J'ai rien. Tu sais, j'ai rien contre eux autres, mais tu sais, c'est tellement rien pour eux autres, puis eux autres même, 250 millions, ils lâchent en bombe d'un petit avant midi, tu sais, ça n'a pas l'air de les déranger ben. Fait que, j'ai organisé des clients, c'était juste des clients qui exportaient, fallait que ce soit en Asie, en Europe ou en Afrique que j'ai fait, parce qu'en envoyant l'argent là-bas, elle était pour revenir aux Américains, mais forcément, elle passait par la Banque centrale aux États-Unis. Si elle avait à d'être pris à quelque part, ça aurait été à la Banque centrale, qui était le gouvernement. Bien, c'est privé, mais je veux dire, c'est quand même en lien avec le gouvernement. C'est le gouvernement américain qui était pour, tu sais... blanchir à subir le coup, c'était pour être prêt, ça était pour être saisi. Okay. C'est le gouvernement qui était pour avoir, pas le petit peuple. Okay. Fait que là, j'avais juste des gros clients à l'exportation, puis comme ça, je l'avais montré. À partir de là, ben j'avais 3 clients au début, après ça, 4. Fait que j'avais... Mais je comprends pas comment ça marche. Les clients, ils t'achètent de l'argent américain à meilleur coût. Mettons que tu leur vends quoi, 30%. 1 million, ou tu leur vends par tranche de 500 000? Ça commençait tout avec des petits tests à 100 000. Okay. Puis après ça, ça là-bas, ça a tout donné le même montant. Puis genre, eux autres, pour acheter 100 000 en faux billets... Ça fait 30 000. Ça 30%, oui. Puis t'en avais combien de clients? Bon, j'ai parti à 3, puis après ça, j'ai monté à 4. Fait que là, j'avais loué là, des containers dans des villes en dehors. Puis j'avais été mettre de l'argent dans chacun c'est ça, des comptes. Tu mettais ton argent. Ben, c'est ça, parce que les runners, les personnes qui étaient responsables d'aller chercher ça puis de l'amener aux clients, qui me connaissaient pas moins, hein, parce que je mettais toutes des épaisseurs entre moi et eux autres pour me protéger. Eux autres, ils allaient juste à cette place-là, puis ils savaient pas c'était où l'imprimerie, ils savaient rien de ça. Fait que le reste de l'argent n'a jamais bougé de l'imprimerie. Jamais. Je m'ai fait arrêter. La course a pris des années. L'argent était encore là. J'avais jamais bougé de là, partout. Puis j'avais jamais retourné. OK. Puis là, donc, le gouvernement s'en rend compte. Ouais. Le gouvernement américain s'en rend compte. Quand je me fais arrêter, oui. C'est le gouvernement américain avant le gouvernement canadien? Non, les deux. Quand ils sont venus m'arrêter, les deux. Et là, les deux étaient là. Donc, c'était concerté. Oui. Comment ils l'ont trouvé? C'est un hasard plate. Ça prend tout le temps une raison plate pour se faire prendre. C'est à un moment donné. Mais c'est on a rajouté un client. Puis ce client-là, lui, il était déjà infiltré par la GRC parce que lui, il opérait un gros réseau d'exportation d'équipements de construction volés, puis ce genre de choses-là. Là, moi, je les connaissais pas, eux autres, là, mais il était déjà infiltré. Fait que là, il a dit à son gars, à qui il faisait sa business d'exportation d'équipements, il disait, je serais capable d'avoir la force argent américain, ça t'intéresserait-tu? Mais ce client-là, c'est un gars de la GRC. Fait que là, il dit, ben oui. Fait que là, c'est comme ça que ça s'est fait. Fait que là, il a commencé à faire des achats, puis là, après ça, ils ont suivi en hélicoptère pendant tout un bon temps, puis tout le long. Puis là, ils ont fini par tout. C'est ça qui a remonté, ouais. Mais donc, quand ils sont arrivés, il y avait 1 million dans la maison. Fait que là, il était content. Puis là, tu sais, il avait ben oui, du stock contre moi. Fait que là, ça allait pas bien pour moi, pour vrai, là. Puis là, après ça, Il t'a emmené en prison ou il t'a emmené tout de suite en attendant? Oui, c'est ça. Ils avec le service secret, puis les autres. OK. Puis c'est là, ils ont voulu me faire signer. J'avais l'extradition automatique. Puis là, j'avais. Aux États-Unis, là, que ça fonctionne. Nous autres, ici, on est ses concurrents. Je parle. Fait que, mettons, c'est 3 d'accusations. Bien, les 3, ils vont une par-dessus l'autre. Fait que c'est 3 fois 20 ans, mais c'est 3 fois 20 ans, un par-dessus l'autre. Fait que le total, ça reste 20 ans. Aux États-Unis, c'est consécutif. Fait que c'est 20-20-20, fait que c'est 60. Fait que là, la première affaire qu'ils voulaient me faire signer, c'est j'avais l'extradition automatique, puis j'avais 3 chefs parce que j'avais possession, production, puis distribution. Fait que j'avais 60 ans, puis extradition. C'est que ça, j'ai parti ma première offre que j'ai eue de... C'était pas une bonne journée. Puis qu'est-ce que t'as pu offrir pour éviter ça? À ce moment-là, non, il n'y a rien à faire parce que là, c'est moi qui étais là. Là, il faut que je laisse faire mon avocat. OK. Qui, lui, il a plaidé quoi? Comment il a fait de te sortir de là? Bien là, c'est un long processus, là. Mais mettons, en gros, comment il a pu te défendre là-dessus? Il y avait une petite affaire que j'avais faite qui a brouillé un peu le surveillance. Là. Je m'ai caché à un moment donné à une place quand il y a eu une transaction qu'ils ont filmé. J'ai été caché. Puis une partie de la transaction qu'ils ne voyaient pas. Fait que là, ça mettait un doute que... Fait que tu as pu te servir de ça pour... Oui, il s'est servi de ça un peu pour négocier, puis négocier premièrement pour que je puisse sortir de là sur caution, parce que là, j'étais en prison dans ce temps-là. Fait que là, avec ça, mon avocat, qui est magique, il m'a sorti de ça sur caution. Puis après ça, bien là, on a commencé les négociations. Mais là, moi, je ne l'ai pas dit à personne que j'ai de l'argent encore, là. Je l'avais pensé au début. Personne le sait. Non, parce que là, rendu là, c'est juste 60 ans, puis j'ai eu ça, j'ai dit, je vais te donner ça. Ils vont dire, parfait, on va te le couper en deux, fait qu'on va te le faire à 30. Fait que je sais, ça ne donne rien. Fait que là, j'ai laissé faire tout le processus judiciaire pendant une couple d'années, mettons 2 ans que ça a duré, là, jusqu'au bout. Puis je vais attendre juste qu'il soit rendu complètement au bout. Puis là, rendu là, je vais le dire. Fait que là, bien. Il s'est changé des offres avec la couronne pendant ben la dernière année, là, ou à tous les mois, on allait là. Puis là, moi, je savais que j'avais un petit outil, là, tu sais, qui traînait, là, l'argent qui restait. Fait que là, je disais... Puis là, il restait combien? Il restait 200... 200 millions, oui. Il restait 200 millions. 200 millions, oui. Mais là, rendu là, il m'était fait arrêter, fait que j'étais brûlé de toute façon. Il était hors de question que dans ma vie, que je retouche un autre, parce que là, les conséquences seraient épouvantables. Fait que tu sais, je l'ai fait. Been there, done that, je l'ai fait. Fait que tu sais, ça me dérangeait pas de leur donner. Là, ils ont négocié. Puis toutes les offres qu'ils faisaient, ils disaient non, non, non, non. Fait que là, ils partaient de 60, puis 40, puis 20, puis 15, puis 12. Puis là, ils disaient non, non, non, puis à non, chaque non. fois, eux autres, ils faisaient une offre, juste pour me restituer, eux autres, faisaient une offre pour... Ils te faisaient des offres pour que quoi? Pour que tu donnes la marchandise qui restait intégrale? Qu'est-ce qu'ils voulaient gagner? Des offres pour que je plaide coupable. Puis, ils avaient pas. Il y avait toutes les preuves, mais il y avait quand même un petit ips. Il y avait un petit ips qui était un argument légal qu'on aurait pu faire déposer une requête pour ça, qu'il y avait une possibilité qu'il pouvait faire annuler. Ah, ouais. Tout le mandat, il y avait une possibilité qu'il pouvait être illégal à cause de ça. Dans le processus d'enquête sur toi. Dans le processus judiciaire, c'est fait comme ça. OK, il a fait quelque chose, ils ont fait quelque chose qui aurait pu être contesté par toi. Je m'ai caché. À cause, j'avais un bout qui s'était caché. Il y a un bout où t'étais pas là. C'était pas sûr que t'étais pas là. Alors, si t'avais été jugé aux États-Unis, là, c'est sûr que tu pouvais pas t'en sortir. J'avais 60 ans, ouais, c'est ça. Là, j'ai dit non tout le long. Là, la couronne était tannée, était au bout. Puis elle a dit, bon, ben c'est beau, ça va en procès. Fait que là, on est rentré en procès. Quand j'ai vu la couronne puis mon avocat partir pour le procès, puis bougonner, là, je me dis, bon, ben là, on est rendu au bout. Fait que là, quand on est rendu dans le portique, tu parlais de rentrer dans la salle de cours. Fait que là, j'ai dit à mon oncle, là, j'ai quelque chose à te dire. Il m'a dit, on n'a pas le temps, ça va passer. Non, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, là? Il dit, mettons que j'aurais 200 millions, y a-tu quelque chose qu'on pourra faire avec ça? Fait que là, il dit, t'es-tu fou? Dis-moi pas ça fait de même. Mais je te dis, je l'ai. Y a-tu quelque chose qu'on va faire avec ça? Certain qu'il y a quelque chose qu'on est capable de faire avec ça? Bouge pas! Fait que, il est rentré en dedans, il est allé chercher la couronne, ils ont sorti aussi vite, ils ont rentré dans le même bureau qu'il venait juste de finir de négocier, puis là, ça a tout recommencé le processus à partir de là. Ouais. Puis l'autre 50 millions, il était où, lui? Lui, il est mystérieux un peu, là. Il m'a fait poser beaucoup cette question-là, quand même. Là. Mais t'as dû t'en garder un petit peu, c'est comme rien. Tu peux pas le dire. Il en manque 50. Mais eux autres aussi, ils savent. Il en manque 50. Ben non, mais. C'est ça, je veux savoir. C'est il est à 50. Ouais, c'est ça. Mais la gendarmerie, ouais, elle le sait aussi. Ton avocat le sait. Ouais. Ils savent tous. Ouais, mais personne n'en parle. Ben, c'est pas qu'ils en parlent pas, mais tu sais, c'est. Je veux dire, j'ai offert de redonner 200, j'ai redonné 200. Mais eux autres, ils savent bien que. Au départ, t'en as fait 250. Oui, mais... Ils connaissent ces chiffres-là. Ça c'est. Ils sont pas idiots. Non, et... non, loin de là. Mais ils l'ont réalisé. Ça s'est réalisé plus tard. De toute façon, c'est pas une cachette que j'avais faite. Même s'ils me l'auraient dit au début, il y avait 250 et il restait juste 200. Fait que c'était ça, puis c'était ça. Fait que si tu veux pas le 200... Tu sais qu'il y a 50 que t'avais camouflé quelque part dans la forêt, dans un trou, dans une affaire. Et t'as 50 pas du gros chêne. 50 pas, c'est ça, c'est tellement intriguant. C'est ça, c'est tellement gros chêne. Une chaise au trésor. Je sais, c'est Jack Bauer. Oh, c'est Jack Bauer. C'est 24. Oh, do it now. Mais now. Sauf que, OK, puis là, finalement, donc, t'acceptes de leur donner ce 200 millions. Oui. Et là, ta peine, c'est de passer, c'est quoi, un mois et demi en prison? Bien, mon mois et demi, c'était mon temps que j'ai attendu pour mon caution, ma libération sous caution. Parce qu'avec ça, si j'ai redonné l'argent, mes conditions, c'était que... Il enlevait les charges, puis je n'étais pas utilisé par tout. C'est fait ça. Que je te donne ça, puis t'arrêtes de nous enlever tout ça. Sinon, je le garde, puis je vais aller faire mon 3 ans. OK. C'est ça le deal rendu là. Fait que là, t'as fait ton mois. T'as fait combien en prison, finalement? Ben, j'ai fait un mois et demi. Là, un mois et demi, c'est tout? Ouais, c'est t'as ça, même ça. Pas été... C'est un bon dans deal, hein? Inspiré par leur nouvel ami Franck, Anne et Marc s'imaginent déjà dans un film de gangster. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh ben, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom... Bonnie Parker. Et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois... C'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de veut s'installer tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. À ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval sur Ici Radio-Canada Première. Plus tôt cette semaine, Marc, toujours friand de nouvelles connaissances, a déniché dans une petite librairie de la rue Ontario un livre suédois qui devrait plaire à Anne et nourrir sa quête inassouvie de croissance personnelle. Anne aura sans doute besoin d'un deuxième verre de vin. Connais-tu Dr. Love? Non. Dr. Love, c'est un beau nom. Oui, alors en fait, son vrai nom, c'est Adrienne Ingerson. C'est un Suédois qui s'occupe de psychologie émotive. Il y a une pose de pute sur ce livre-là. Ouais, il est comme étendu sur, il est offert. Il a l'air de pas se prendre pour un 7-Up flat. Là. Non. Il a l'air de c'est comme très beau. Un émule de Burt Reynolds, style 70. C'est un séducteur qui offre ses services? C'est un psychologue qui sait vraiment comment parler aux femmes sur la psychologie émotive et sexuelle aussi, puis qui donne des trucs. Il donne des trucs. Mais en fait, il a bien compris la femme, je pense. Tu vas voir, je vais te lire des extraits. Je sens que ça va me taper ses nerfs. Je vais finir par l'haïr, lui. Non, je pas l'aimais, du tout. Mais là, je suis plus sûre. Mais déjà, je vois sa pose, puis là, tu me dis ce qu'il fait. Je peux pas tout te... Je pensais que c'était une sale pétasse. Non, mais je peux pas tout te lire, évidemment, le livre au complet, mais il croit que l'amitié est possible entre un homme et une femme. C'est pas nécessairement... Mais il dit en même temps, il classe vraiment les sexes de façon très précise. Il dit les filles sont généralement bavardes, les garçons veulent probablement coucher et les gens sont globalement cons. Ça, c'est à peu près sa philosophie de base. C'est sûr que j'ai raison. D'ailleurs, quand il dit « les gens sont globalement cons », il dit « il existe encore dans certaines contrées arriérées dont la Suède ne fait pas partie », évidemment, il prêche pour sa paroisse, un concept d'éducation qui dresse consciencieusement un grand nombre d'obstacles à l'amitié entre un homme et une femme. Il s'agit de la différenciation sociale des sexes. En gros, les petites filles jouent à la poupée et font de la danse classique, puis en grandissant, elles achètent des habits et font des cupcakes. De leur côté, les petits garçons jouent au Lego et font du karaté, puis plus tard, ils achètent des bières et font de la moto. C'est complètement con. Car cet apprentissage des rôles sociaux propres à chaque genre crée une distance entre filles et garçons qui ne peut être théoriquement balayée que par le biais du désir sexuel. Et puis, il dit, les filles sont... Oui. Mais tu vois, il est quand même très ouvert, puis il est très évolué. Mais il y a quel âge, lui? Il y a à peu près... Il y a 90 ans, puis il a pris une photo d'il y a 50 ans. Attends, je vais te compter quand même. Il a l'air d'un sexe symbole sur son livre. Ben, finalement, c'est un vieux crouton. Il a pris une vieille photo, puis... Comment réussir son coup d'un soir? Alors ça, c'est dans la partie harponnage. Ouais. Ça s'appelle comment... Oui, mais les femmes, elles sont pas des chasseuses. Vas-y. Parce que ça m'intéresse de l'entendre, cet imbécile. Je veux que tu t'entendes où est-ce que la Suède en est. Alors, comment réussir son coup d'un soir? Mm-hmm. Il commence en disant « D'où Jésus que la chair est faible? » Mais voyons. C'est ce que je me suis souvent dit lorsque, dans ma jeunesse, je rentrais tard le soir accompagné d'une créature qui avait su flatter mon égo. Très honnêtement, il n'y a pour les femmes rien de plus simple que de procéder à un rapport sexuel sans lendemain sur un individu muni d'un pénis rencontré à la nuit tombée. Ben, évidemment. En revanche, avant de vous jeter sur n'importe qui pour satisfaire vos désirs, je vous encourage à effectuer un rapide bilan émotionnel. Ben voyons. Soyez certaine que vous ne cherchez pas à réparer une faille narcissique. Non. Ni à épouser le premier venu. Ben non. Un coup d'un soir doit rester un souvenir agréable. Ben oui. Et l'objectif est bien de se faire désinguer dans le respect mutuel. Désinguer. Oui. Des zingués, dans le sens de zignage? Non, oui. Zingués. Oui. OK. Pour que cette expérience éphémère ne vous laisse pas un goût amer, je vous engage à respecter les consignes suivantes. Bon. Consigne numéro 1. Oui. La cible est inédite. Oui. Choisissez un inconnu référencé, un visage neuf, mais relié à votre réseau social afin de minimiser les risques de vous faire égorger dans un parking. Ben voyons donc, mon Dieu! S'il est résident étranger, c'est encore mieux. Ainsi, vous ne serez pas tenté d'envisager une relation à bon terme, par exemple à la suite d'un rapport sexuel satisfaisant, puisque le contrat affectif est clair dès le départ. Il rentre bientôt dans son pays, vous l'oublierez. Oh non, ben ça, justement, il y a une contrainte. Ben non, on l'oubliera pas. Ça va finir mal, cette affaire-là, je le sais. C'est une grande dramatique. Règle numéro 2, la cible tient debout. Ben oui. L'alcool est un merveilleux désinhibant. Il est interdit de procéder à un rapport sexuel sur un individu partiellement conscient, sans compter que les performances d'un garçon ivre-mort sous kétamine sont toujours pitoyables. Ah ben oui, pitoyables. Il doit par ailleurs être en mesure de respecter le code de bonne conduite du coup d'un soir. Oui. Mémoriser votre prénom, respecter vos limites sexuelles, dire bonjour et au revoir. Ben oui. Pour éviter de ramasser un zombie, apprenez donc à agir vite. Premières arrivées, premières servies. Après 3 heures du matin, il ne reste plus que les détritus. Ah ben oui, ça c'est bien connu, surtout avec l'éclairage de merde. La cible est crétine. Voyons, la cible est crétine. Oui. Je le rappelle, vous ne cherchez pas un compagnon de vie. Ben non, mais on veut pas une cible crétine. Pour limiter là, l'impact tristement émotionnel de votre coup d'un soir, sélectionnez un spécimen présentant des tares incompatibles avec la construction éventuelle d'une bonne relation. Pour faire, vous devez choisir un garçon physiquement attirant, mais avec lequel vous ne partagez strictement aucune affinité intellectuelle ou spirituelle. Mais oui, mais ça, c'est un offre. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas excitant, ça. Ah, attends, c'est ses règles. Il doit donc être de préférence plastiquement irréprochable, mais complètement con. Oh non, non, non, Il y a la géolocalisation du rapport sexuel. C'est moi, c'est séduisant, quelqu'un d'intelligent. Je sais bien. Règle numéro 1, service à domicile. Chez lui ou chez vous, pour votre coup d'un soir? La question ne se pose pas, ce sera chez vous. Ah oui. Il est plus confortable de pratiquer un rapport sexuel avec un inconnu dans le cadre... C'est sur mon territoire. Ben oui, dans le cadre familier, sécurisant de votre domicile. Absolument, puis je peux le mettre à la porte quand je veux. Exactement, cadre qui apporte de surcroît la garantie du respect de certaines mesures sanitaires élémentaires. Draps frais, boissons et snacks propres à la consommation. Nécessaire de toilettes, exempt de bactéries. Bon. Ça va sentir bon. C'est également la situation que vous devez privilégier si vous êtes une grosse feignasse. Après le rapport, vous n'aurez plus aucun effort à fournir. Il est donc bien bête, lui. Il pourrait immédiatement passer en phase de sommeil paradoxal. Oh, ben là. Respect du cadre de l'intimité. Oui. Avant de vous laisser aspirer par le tourbillon du désir sexuel, pensez à l'après-coup d'un soir. Oui. Par mesure de précaution, tâchez de ne pas vous faire pénétrer dans des lieux qui menacent le respect de votre intimité. Pardon? Toilettes de bar et discothèques. Oh non. Fêtes en appartement. Squat. Oui. Parking public. Oh non. Trottoir. Ruelle. Vous êtes parfois de petits êtres sensibles et si vous faites n'importe quoi, vous risquez le lendemain d'être submergé par les regrets, avec à la clé l'apparition de pensées obsédantes et infondées du type « Je suis la plus grosse salope de la région. » Oh non, jamais. Nous cherchons bien sûr à éviter cela. Ben oui. Et enfin, le dernier chapitre, si tu me permets, oui. La gestion post-coïtale. Oh. Après le coït, débarrassez-vous de votre partenaire. Il est compliqué de trouver le sommeil après une soirée alcoolisée, mais essayez de s'endormir à côté d'un inconnu qui tente désespérément lui aussi de s'endormir malgré ses 3 grammes d'alcool dans le sang relève du supplice. S'il est chez vous, proposez-lui gentiment de lui appeler un taxi. N'ayez pas peur de le vexer. Ben voyons. Vous devez prioriser votre quota de sommeil afin de préserver votre capital jeunesse. Votre capital jeunesse. Si vous êtes chez lui, ce que je ne vous souhaite pas, non. N'attendez pas que le soleil se lève pour partir. Vous ne voulez pas vivre l'épreuve du fameux « walk of shame », soit vous, déboulant au travail, en mini-robe de soirée, avec le cheveu en vrac et des yeux de panda, parce que votre mascara a coulé. Ah ben non, la couette grasse, puis le gros port dilaté, puis la gougoune qui ne marche plus. Non, c'est ça. Je ne l'haïs pas, mais je le trouve insignifiant. Puis il a fait ça pour le fric. Probablement. Puis les gens font beaucoup de choses pour l'argent. Hein. Oui, puis moi, j'aime pas ça. Non, moi non plus. Ça m'écœure, l'argent. Moi aussi. Sugar. My candy girl, and you got me wanting you, honey. Oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you've got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. you're my candy girl, and you've got me wanting you. Oh, honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you've got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Pour your sugar on me, honey. Pour your sugar on me, baby. I'm gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pour your sugar on me. Oh, yeah. Sugar. Pour your sugar on me, honey. Oh, honey, honey. Pour your sugar on me, baby. Oh, I'm gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pour your sugar on me. Sugar. Anne et Marc savourent cette journée pluvieuse où ils n'ont pas à endurer le vacarme de leur insupportable voisin d'en arrière qui tond son gazon systématiquement tous les samedis après-midi. Ils se prennent à rêver d'un monde sans tondeuse. Marie-Ève et Laurence, deux bergères urbaines, ont peut-être une solution pour nos deux amis. Elles arrivent chez Anne et Marc, accompagnées d'un petit agneau. Petite face d'agneau. Ben oui, c'est relax, bien sûr, ça. Relax. Oui. Là, il va s'endormir. Il ou elle. Il va s'endormir. C'est un petit garçon. Elle? Il, c'est ça, oui, c'est un petit homme. Puis vous en avez combien? On en a 7. Vous en avez 7? 6 brebis adultes et lui. Qui couche au parc Rosemont? Au Pélican. Ah oui, OK. Et qui broute toute la journée? Toute la journée. Pour... C'est un projet d'éco-pâturage. Mmh. Ouais. C'est vrai, moi, j'étais allée en Suisse à un moment donné, puis on envoyait des petits agneaux, des petits moutons brouter le gazon en plein centre-ville. En plein centre-ville. Ouais. Ah ouais. Puis à la fin de la journée, ils changeaient de place. Là, où... ouais. Puis ça fait de l'engrais aussi, naturel. Dans le... Il n'y a que des avantages. Là, que des avantages. Pas la tondeuse, il n'y a pas de pollution. Ça fait pas de bruit, donc les papillons, les insectes reviennent. Justement, ça nourrit le sol. Mais ça fait pas des animaux un peu stressés en pleine ville? Je peux voir la différence que quand ils sont arrivés, que maintenant, aujourd'hui, 4 semaines après le projet. Au début, elles restaient au milieu de l'enclos, elles voulaient pas que les personnes les touchent. Maintenant, c'est comme si elles vont chercher le monde et demandent à se faire flatter. Ah oui, parce que c'est sensible au flattage. Oui, absolument. C'est comme un chien, là. Oui, oui. OK. Puis ça peut... Vous les sortez le matin, et vous les rentrez le soir, et ils broutent toute la journée. Exactement. Et ils dorment où? Ils dorment dans la bergerie. Dans la bergerie, qui est située... Donc, dans le parc. Dans le parc. Oui, c'est une bergerie sur roues. Ah ouais. Et ils vivent dedans. Et nous aussi, et on nous dort. Aussi, ouais, et vous dormez là aussi? Ouais. Oui, on est les deux. Ah oui. C'est vraiment pour dormir, c'est vraiment juste nous deux. Ben non. Ça ne nous regarde pas. C'est peut-être que vous pouvez peut-être rencontrer des bergers. Moi, disons, le mouton qui m'a vraiment amenée dans ce monde, qui m'a fait tomber en amour avec les moutons. Quand elle me voit, elle court vers moi, elle me reconnaît de loin, elle bouge sa petite queue. Dès que je la touche, elle est comme trop excitée, elle fait pipi. Ça a la mémoire Ça me fait penser à plein de monde, ça. Elle s'appelle Bethany. Étonnante. Elle s'appelle comment? Bethany. Bethany. Oui. Bethany. Ça fait penser, j'ai des amis comme ça aussi. Quand ils sont bien contents de me voir. Et lui, ce petit agneau que tu tiens dans tes bras, lui, il n'a pas de nom, vous disiez. Ben, c'est parce que c'est pas mes moutons. Donc, peut-être que Anouk, la propriétaire des moutons, elle a des noms pour eux. Mais pour moi, c'est vraiment juste un mot en créature d'élevage. Bien sûr, pour moi, je le nomme plein de choses dans ma tête et j'ai vraiment un lien avec lui. Mais il faut aussi que je me rappelle que après dimanche, je vais devoir dire au revoir et que je vais peut-être plus jamais les revoir. Parce qu'eux, ils retournent au Mont-Laurier. c'est à Mont-Laurier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Mont-Laurier? On va prendre leur laine, mais on va pas les manger. Ça dépend d'Anouk. Moi, je peux pas répondre pour elle. On peut pas lui dire qu'on veut pas. Mais celui-là, on a l'impression que non. Je pense qu'elle va le garder, parce qu'il est vraiment beau. Mais ils sont tous beaux. Il n'y a pas un agneau qui est laid. Non. Il ne faut pas manger de l'agneau. Moi, non, mais je veux dire à tout le monde, vous n'en mangez pas, vous, ça se peut pas. Oui, moi, je fais une production pour la viande. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Ben là, ça veut dire que là, le but, disons, dans 15 ans, si ça fonctionnait, par exemple, ils pourraient avoir comme plusieurs communautés de bergers avec leurs troupeaux qui font brouter la ville. Oui, c'est le métier de l'avenir. C'est le but. C'est ça. Pardon? Ça existe déjà. J'ai dit le métier de l'avenir, berger urbain. Berger urbain. Non, mais moi, j'y crois. Moi, je trouve que ça se peut. On ne pourrait pas voir dans une grande ville comme Paris où il y en a à Paris, Toulouse, Nantes. Il y en a à Paris en ce moment? À Londres. Des petits agneaux broutards. Oui, c'est ça. Il y en a juste à côté de la bibliothèque des archives. Il y en a à Bagnolet. Là, est-ce que vous lui donnez encore à boire au sein? Non. Justement, il y avait peut-être soif. Non, il y a peut-être soif. On peut-tu donner le sein? On peut-tu comme... Oh, c'est mignon! Un petit œil d'agneau! Oh, oui, c'est un petit œil d'agneau qui manifestement est fatigué. Là. Il va s'endormir ou il a très faim. Ah, il est derrière le... Il va manger des filets. Ben oui. Je vais lui donner de l'eau. Oui. Mais quand ça se met à brouter, là, mettons, un terrain, ça prend combien de temps, par exemple, si... C'est 5 livres d'air par jour. OK, ça veut dire quoi, mettons, en termes de proportion? Ça revient à 4 moutons par acre, sur acre de terrain par mois. 4 moutons par acre? Oui, c'est comme 44 000 pieds carrés. Mettons, OK, le parc, par exemple, où vous êtes, c'est ça, c'est 2 acres? Oui, environ. OK, puis vous êtes 8 moutons? Puis il passe à travers le terrain en quoi, un mois? En un mois. Ah oui, là, Bien, j'ai fait des petites billes, là. Ben oui. Ça rebondit. C'est pas dégoûtant, des petites crottes d'agneau. Non, c'est vraiment... Comme c'est un cadeau. Oui, ben oui, il faut pas que tu t'exprimes, mon petit trésor. Ben c'est sûr, il est content, là, il vient d'être libéré. Ben oui. Non, c'est magnifique. Je veux juste pas qu'il mange la prise électrique. Est-ce qu'il peut faire des indigestions parce qu'il y a trop de gazon? Si c'est un pâturage vraiment vert, comme fresh pasture, frais, ils peuvent faire des ballonnements. Puis quand c'est de la luzerne, ça, la luzerne, ils peuvent éclater. Ils peuvent éclater. Ouais. En le digérant, ça crée des gaz et ils en mangent trop rapidement et ça crée trop de gaz dans l'estomac et un ballonnement. Et éventuellement, ça peut... Est-ce qu'ils peuvent brouter des fleurs aussi? C'est-tu le genre... Moi, j'ai prendre dans ma cour pour qu'ils broutent mon gazon. Ils vont manger des fleurs aussi. Le trèfle, le pissenlit. C'est plus sucré pour, pour eux. Alors, ils préfèrent ça. Fait que c'est sûr que si t'as une plate-bande auquel tu tiens, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ça, mais si t'as beaucoup de pissenlit, Ouais. C'était le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Guy Charbonneau et Patrick Knoop. À la guitare, Simon Angel. À la contrebasse, Morgan Moore. Adjointe à la réalisation, Camille Parent. Un merci particulier à Sylvie Julien. Cette émission est signée Francis Legault.